également lors de la mise en place de la ventilation artificielle, mais également lors du sevrage de la ventilation artificielle, comprendre les spécificités de cette ventilation artificielle en fonction de différentes pathologies cardiaques, notamment l'insuffisance cardiaque gauche aiguë, l'OAP, et la dysfonction ventriculaire droite aiguë, notamment l'embolie pulmonaire grave, et également la prise en charge thérapeutique qui en découle. Donc on va essayer de planifier comme suit. Donc la première partie, ce sera la théorie. Donc on va voir la mécanique ventilatoire en ventilation spontanée et en ventilation mécanique, que ce soit invasif ou non invasif. Et on va voir l'effet de la ventilation sur le cœur. Vous savez très bien que le cœur n'est pas seul dans le thorax, il est associé aux deux poumons et les deux sont soumis aux variations de la ventilation, aux variations de pression, variations pulsées de la pression dans le thorax. Donc on va parler des interactions cœur-poumon et le retentissement sur le cœur droit et sur le corps gauche. Ça, on va essayer de récapituler en 20-30 minutes. Et la deuxième partie, ce sera de la pratique, avec quelques applications, l'essentiel, à savoir l'insuffisance cardiaque gauche et l'OAP, la dysfonction ventriculaire gauche liée au sevrage de la ventilation mécanique, c'est-à-dire le passage de la ventilation mécanique à la ventilation spontanée, et enfin l'embolie pulmonaire grave. Et enfin, on va terminer essentiellement par la ventilation non-invasive, puisque vous êtes essentiellement confronté à ce type de ventilation en unité de soins intensifs. Ventilation mécanique non-invasive pour l'indication principale sur l'OAP cardiogénique. Et enfin, on va compléter par quelques slides sur la ventilation mécanique invasive. Pour démarrer, on va commencer par quelques concepts. Trois concepts primordiaux. Le premier, c'est le débit. Parler du débit. Un débit est généré par un gradient de pression. Un gradient de pression entre une pression en amont et une pression en aval. Et ce gradient de pression est déterminant de l'importance du flux et de la direction du flux. Plus le gradient de pression est important, plus le débit est important. Si le gradient est faible, le débit est faible. Également, la direction du flux dépend de ce gradient, puisque toujours un débit se déplace de la zone de haute pression vers la zone de basse pression. Ceci s'applique essentiellement pour le retour veineux systémique. Vous savez très bien que le retour veineux systémique se fait des veines périphériques extra-thoraciques vers l'oreille droite. Et le retour veineux se fait de la zone de haute pression vers la zone de basse pression, puisque, comme vous tous, la pression dans l'oreille droite égale à 0. Et la pression dans mes veines périphériques, les veines thoraciques, est autour de 7 mm de mercure. Et ce gradient qui semble peu, de 7 mm de mercure, 7 moins 0, c'est c'est le gradient moteur du retour veineux systémique. Et troisième information très importante, les cavités qui sont contenues dans le cage thoracique, à savoir le cœur, les gros vaisseaux, et notamment les veines, et notamment la veine cave supérieure qui est entièrement intrathoracique, sont soumises à la pression intrathoracique et à la pression pleurale. Et vous savez très bien que ces vaisseaux et ces cavités ne sont pas des tuyaux rigides en plan, sont des vaisseaux collapables et donc sont soumises à la pression environnante qui est la pression intrathoracique. Donc il est essentiel de parler plutôt de pression transmurale ou pression transpariétale, qui est mathématiquement assez simple, c'est la pression à l'intérieur moins la pression à l'extérieur, mais sur le plan physiologique, cette pression transmurale, c'est la pression de distension des cavités, c'est la pression qui permet de maintenir la cavité ouverte à l'intérieur du thorax. Ces trois notions sont primordiales, la notion de débit, la notion de gradient et la notion de pression transmurale. Et la pression externe par rapport aux cavités cardiaques dans le thorax, c'est la pression intrathoracique et la pression pleurale. Et les principales cavités situées dans le thorax sont la veine cave supérieure qui est entièrement intrathoracique, contrairement à la veine cave inférieure, dont il existe une partie intra-abdominale et le reste est intrathoracique. Les cavités cardiaques et l'aorte dans sa portion thoracique. Comme vous tous, lorsque vous respirez en ventilation spontanée, la pression qui règne dans la voie aérienne, c'est une pression qui oscille autour de zéro, autour de la pression bathymétrique. Vous voyez très bien que cette pression, elle est discrètement négative à l'inspiration et discrètement positive à l'expiration, autour de moins 3 plus 3 cm d'eau. Donc la pression, elle oscille autour de zéro en ventilation spontanée. Et la pression motrice de la ventilation spontanée, c'est la pression transpulmonaire. C'est la différence de pression entre la pression dans mes alvéoles et la pression pleurale. Et cette pression pleurale est générée par la contraction des muscles inspiratoires et notamment le diaphragme. Lorsque j'inspire, le diaphragme se contracte, augmentation du volume thoracique, diminution de la pression intrathoracique, ventilation spontanée égale dépression intrathoracique. Et s'il y a dépression intrathoracique, il y a une diminution de la pression pleurale et cette diminution de pression pleurale devient inférieure à la pression barométrique, ce qui donne un appel d'air et donc l'aspiration spontanée. Donc, qu'est-ce qui se passe en ventilation spontanée? J'inspire de l'air, négativation de la pression intrathoracique, c'est-à-dire une diminution de la pression pleurale. Cette pression pleurale, c'est la pression environnante autour de l'oreille droite, elle va se transmettre à l'oreille droite, donc diminution de la pression de l'oreille droite. Étant donné que la pression de l'oreille droite, c'est la pression d'aval par rapport au retour veineux, donc on va avoir un allergissement du gradient et donc augmentation du retour veineux. C'est très important, lorsque j'inspire en ventilation spontanée, j'augmente mon retour veineux. À chaque inspiration, il y a un afflux massif, à cause de ce gradient qui semble très faible, de 7 mm de mercure, un afflux massif du retour veineux de la périphérie vers l'oreille droite. Donc, augmentation du retour veineux systémique, et au bout de 2-3 battements cardiaques après, ce qui correspond au temps de transit pulmonaire, il y a augmentation de la précharge ventriculaire gauche, et donc augmentation du débit cardiaque gauche. C'est ce qui se passe à chaque inspiration. C'est à la mécanique de l'horlogerie. Donc à chaque inspiration, j'augmente mon retour veineux et j'augmente mon débit cardiaque. En ventilation mécanique, les choses diffèrent de manière radicale. La pression est tout le temps positive, en inspiration et en expiration, plutôt en insufflation et en expiration. Et donc la pression est tout le temps positive, elle est minimum égale à zéro. Et si on applique une PEP, c'est-à-dire une pression expiratoire, une pression expiratoire positive, elle est égale à cette PEP. Donc la pression est tout le temps positive dans le thorax en cas de ventilation mécanique artificielle, que ce soit invasive ou non-invasive. Donc le message clé à retenir, ventilation spontanée égale ventilation en pression négative au régime de pression négatif, ventilation artificielle égale ventilation en pression positive. Qu'est-ce qui se passe en ventilation positive? Insufflation par le respirateur, positivation de la pression intrathoracique, donc la pression intrathoracique elle est positive. Cette pression intrathoracique, c'est la pression externe par rapport à l'oreille droite. Donc cette positivité va se transmettre à l'oreille droite, augmentation de la pression de l'oreille droite. La pression de l'oreille droite étant la pression d'aval, donc on aura une diminution du gradient de pression entre les veines extrathoraciques et l'oreille droite. Conséquence, on a une diminution du gradient entre la pression dans les veines périphériques, qu'on appelle la pression systémique moyenne, et la pression de l'oreille droite, et donc diminution du retour veineux. Donc le deuxième message clé à retenir, ventilation en pression positive, c'est-à-dire ventilation mécanique, que ce soit invasive ou non invasive, égale frein au retour veineux. Ventilation en pression positive égale frein au retour veineux. Donc pour récapituler tout ça, étant donné le système en série, cavité droite, poumon, cavité gauche, ces trois sont en série dans le thorax et sont soumis au régime de pression. Donc la ventilation mécanique agit sur la précharge du ventricule droit, à savoir le retour veineux systémique, post-charge du ventricule droit, à savoir les vaisseaux pulmonaires, les résistances vasculaires pulmonaires, et post-charge du ventricule gauche. Commençons par la précharge du ventricule droit. C'est déjà vu, on a bien vu que ventilation en pression positive entraîne une diminution de gradient entre les veines extrathoraciques périphériques et l'oreille droite. Et on aura une augmentation de la pression pleurale et augmentation, et donc par conséquent, augmentation de la pression oreille droite et donc diminution de retour veineux. Donc c'est clair, ventilation pression positive égale frein au retour veineux et donc diminution de la précharge ventricule droit. Deuxième partie, c'est la post-charge du ventricule droit aux résistances vasculaires pulmonaires. Deux points. On va parler du volume pulmonaire et des zones d'ouest. D'abord, le volume pulmonaire. Donc, les résistances, qui parlait des résistances vasculaires pulmonaires, c'est parler des vaisseaux pulmonaires. Les vaisseaux pulmonaires, il y a deux types. Il y a les vaisseaux intra-alvéolaires et les vaisseaux extra-alvéolaires. Les vaisseaux intra-alvéolaires sont soumis à la pression alvéolaire et les vaisseaux extra-alvéolaires sont soumis à la pression intra-thoracique. Ces vaisseaux intra-alvéolaires de petit calibre sont soumis à l'augmentation de la pression alvéolaire. Donc on va avoir une compression de ces vaisseaux intra-alvéolaires, et donc augmentation des résistances au niveau de ces vaisseaux intra-alvéolaires, qui prédominent sur la diminution de résistance pour les vaisseaux extra-alvéolaires. Donc la résultante finale de la ventilation en pression positive, c'est augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire et donc augmentation post-charge ventricule droit. Donc deuxième message, ventilation en pression positive, diminution du retour veineux systémique. Deuxième message, ventilation en pression positive, augmentation post-charge ventricule droit. Deuxième point concernant ces résistances, c'est les zones de West. En fait, la micro-circulation vasculaire pulmonaire au niveau des vaisseaux intra-alvéolaires, elle est soumise à un gradient gravitationnel, les sommets, la partie intermédiaire et les bases. Les sommets sont essentiellement soumis à la pression alvéolaire, alors que les bases sont soumis essentiellement à la pression, ou plutôt pas soumis, plutôt à la pression intravasculaire, elle est prédominante. Donc on peut diviser ce gradient en trois zones. Une première zone où la pression alvéolaire prédomine, une deuxième zone intermédiaire, une troisième zone où la pression intravasculaire prédomine. Qu'est-ce qui se passe lorsque je ventile mon patient en pression positive? En pression positive, c'est la pression alvéolaire qui prédomine, et donc, au lieu d'avoir cette répartition homogène, les zones 1 et 2 vont prédominer. Et donc, on va avoir une compression des vaisseaux pulmonaires et donc augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Donc, globalement, au niveau des sommets, les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées parce que la pression alvéolaire prédomine. Par contre, au niveau des bases, les résistances vasculaires pulmonaires sont faibles à cause de la prédominance de la pression intravasculaire et donc les vaisseaux sont peu collapables. Lorsque je mets mon patient en ventilation positive, on va assister à l'augmentation des zones 1 et 2, donc augmentation de la post-charge du ventricule droit. Ceci est beaucoup plus manifeste en cas d'hypovolémie, puisqu'en cas d'hypovolémie, il y a diminution de la pression intravasculaire, donc la ventilation en pression positive va être très mal tolérée en cas d'hypovolémie. Par contre, en patient normovolémique ou hypervolémique, c'est le cas fréquemment retrouvé en milieu cardiologique, c'est l'augmentation de la pression intravasculaire, donc la ventilation positive va être plus ou moins bien toléré à cause de cette hypervolémie. Au contraire, on assiste à une chasse du sang, des capillaires vers le ventricule gauche. Et donc, plutôt, on parle d'effet delta AB, c'est-à-dire augmentation de précharge ventricule gauche. L'exemple type, c'est la veine cave supérieure. La veine cave supérieure, c'est un vaisseau qui est entièrement intrathoracique. Et donc, en cas d'hypovolémie, on assiste très, chez un patient en ventilation positive, à un prolapsus de cette veine cave supérieure. C'est ce qu'on fait en réanimation en pratique pour monitorer le statut volémique. On fait l'ETO, coupe au niveau de la base du cœur, et on voit l'indice de collapsibilité de la veine cave supérieure. Si elle se collabe de plus de 36%, c'est plutôt un patient qui est hypovolémique. La troisième partie et la dernière pour finir avec la partie physiologie, c'est la post-charge du ventricule gauche. Pour le post-charge du ventricule gauche, l'augmentation de la pression pleurale s'exerce également sur la cavité gauche. Le ventricule gauche est l'aorte dans sa portion thoracique. Et l'augmentation de la pression pleurale entraîne une diminution de la pression transmurale du ventricule gauche. Regardez ici, si on a une pression systolique dans le ventricule gauche à 100, et si en ventilation spontanée, le patient fait des efforts inspiratoires avec pression pleurale à moins 20, on aura une pression transmurale, c'est-à-dire la différentielle 100 moins moins 20, donc à plus 120. Si on passe à une ventilation positive, on assiste à une diminution de pression transmurale par positivation de la pression pleurale. Et cette positivation de la pression pleurale, cette diminution de la pression transmurale, va aider le cœur à éjecter et par diminution de la post-charge ventriculaire. L'image à retenir pour l'effet de la ventilation mécanique sur la post-charge ventricule gauche, cette image de saut à la perche. Donc, si on compare l'athlète, le poids de l'athlète au volume d'éjection systolique, la hauteur de la barre aux résistances vasculaires systémiques, donc la pression intrathoracique ou pression pleurale positive, comme le coup de pied gauche qui va aider le cœur à éjecter. Donc, message clé, ventilation en pression positive égale diminution post-charge du ventricule gauche et donc aide le ventricule gauche à éjecter. Ceci est vrai, notamment en cas d'insuffisance cardiaque gauche, car souvent le cœur insuffisant sont des cœurs post-charge dépendants, et donc la diminution de post-charge va augmenter le débit cardiaque. Donc, si on récapitule, que se passe-t-il réellement quand vous ventilez votre patient, soit en ventilation à pression positive, que ce soit en ventilation non-invasive ou ventilation invasive? Vous freinez le retour veineux systémique, vous augmentez les résistances vasculaires pulmonaires, vous aidez le ventricule gauche à éjecter du sang. Trois messages clés. Mais également, vous corrigez l'hypoxémie et l'hypercapnie. Généralement, on voit que c'est la dernière partie, mais l'essentiel sont les trois premiers messages. On corrige l'hypoxémie et l'hypercapnie. L'hypoxémie entraîne vasoconstriction artérielle pulmonaire. Également, l'hypercapnie majeure, c'est vasoconstriction artérielle pulmonaire. Et la ventilation en pression positive, en corrigeant l'hypoxémie et l'hypercapnie, permet de diminuer la résistance vasculaire pulmonaire. Récapitulant, donc ventilation en pression positive, diminution précharge ventricule droit, augmentation postcharge ventricule droit, et donc diminution du volume d'éjection de votre cul droit. Donc la ventilation mécanique est globalement néfaste en cas de dysfonction ventriculaire droite prédominante par majoration de l'HTAP et majoration ou accentuation de l'interdépendance VD-VG. Et donc ça entraîne une diminution du volume d'éjection, diminution de la compliance du VG, donc diminution du volume d'éjection systémique. Par contre, la ventilation en pression positive, en améliorant les conditions de charge du ventricule gauche, par diminution de la précharge du ventricule gauche et diminution de la postcharge du ventricule gauche, va entraîner une augmentation du volume d'éjection systolique et donc augmentation du débit cardiaque. Donc la ventilation en pression positive est plutôt bénéfique en cas de dysfonction ventriculaire gauche prédominante. Ça, concernant la première partie, la partie physio. La deuxième partie, c'est les applications en pathologie cardiaque. Essentiellement trois pathologies, l'insuffisance cardiaque gauche, la dysfonction VG lors d'ouvrage de la ventilation mécanique et l'embolie pulmonaire grave. Commençons par l'insuffisance cardiaque gauche ou l'OAP cardiogénique. Pour la physiologie de l'OAP, on a une augmentation de l'eau pulmonaire dans l'eau libre intrapulmonaire, augmentation du poids de poumon qui va entraîner diminution des volumes pulmonaires, diminution de la compliance pulmonaire, également augmentation des résistances au niveau des voies aériennes supérieures. En fait, par répartition de l'eau libre intrapulmonaire des alvéoles, par drainage lymphatique vers les manchons péribronchiques, qui va entraîner bien sûr une augmentation des résistances. Souvent, les patients sont essoufflés avec des sibulances qui sont audibles à distance. Tout ça va entraîner une augmentation du travail des muscles respiratoires, avec augmentation de la consommation d'oxygène du myocarde, des risques ischémiques et majoration de la négativité de pression intrathoracique à cause des efforts inspiratoires qui vont entraîner augmentation de retour veineux et augmentation de la postcharge. Lorsqu'on met un patient en ventilation en pression positive, la VNI ou ventilation invasive, ceci va s'opposer point par point à la physiopathologie de l'OAP. En le mettant en pression positive, on va diminuer le gradient de retour veineux systémique, comme on l'a déjà vu, une diminution du gradient entre le ventricule gauche et les vaisseaux extrathoraciques, et abolition de ces efforts inspiratoires qu'on appelle swings dans la pression de négativation de pression intrathoracique. Tout ça va entraîner une diminution de précharge du ventricule gauche et diminution postcharge du ventricule gauche, donc amélioration du débit cardiaque. Ajoutons à ça l'amélioration de l'oxygénation et diminution du travail des muscles respiratoires. Deuxième point, c'est la dysfonction VG lors du sevrage de la ventilation mécanique. Vous avez ventilé votre patient, soit ventilation non-invasive ou intubée, et vous hésitez, le patient s'améliore et vous pensez à l'extuber ou à la débrancher du respirateur. Cette étape est cruciale car on va assister à une inversion de la pression. On va passer maintenant de la pression positive à la pression négative, avec comme conséquence augmentation précharge du ventricule gauche, augmentation postcharge du ventricule gauche, également augmentation précharge du ventricule droit et diminution postcharge du ventricule droit. Ajoutons à ça le stress adrénergique, comme on atteste l'augmentation avec catécholamine circulante, lié au sevrage avec augmentation de consommation d'oxygène du myocarde et le risque ischémique. Et dans ce cas, le risque, c'est la dysfonction ventriculaire gauche. Il faut la prévenir, d'accord, et il faut la diagnostiquer. Bon, si ma patient a un cathéter artériel pulmonaire, c'est l'augmentation de la PAPO au-delà de 18. Sinon, c'est ce qu'on fait en réanimation chaque fois qu'on a une preuve de sevrage. C'est de faire de l'échographie et mesurer les pressions de remplissage ventricule gauche, notamment Doppler tissulaire, et mesurer le rapport E sur E'. La valeur cutoff en réanimation, c'est 8. E sur E' égale à 8. C'est un patient à haut risque d'échec de sevrage par dysfonction VG. Et donc le traitement, c'est facile, si on comprend la physiopathologie, c'est vasodilatateur artériel et veineux pour diminuer la précharge et postcharge du ventricule gauche, donc dérivés nitrés et IEC. L'utilisation des ionotropes, comme le font la majorité par mise en place d'obutamine, n'a pas de sens, puisque à la fois elle augmente la consommation d'oxygène du myocarde, et généralement cette dysfonction VG n'est pas liée à une réduction de la contractilité, plutôt à des mauvaises conditions de charge du ventricule gauche. La troisième pathologie, c'est l'embolie pulmonaire grave. Qui dit embolie pulmonaire grave dit obstacle majeur à l'éjection ventriculaire de Watt. Et si on met le patient en ventilation prépositive, on va aggraver encore cette augmentation de résistance vasculaire pulmonaire. Ajoutons à ça la diminution du retour veineux, donc diminution du volume d'éjection à droite, et donc diminution du volume d'éjection à gauche, et diminution des lits cardiaques. Conséquence thérapeutique, on remplit, oui, mais de manière prudente, car remplissage peut entraîner une augmentation de la précharge de Watt, déplacement septal et majoration de l'interdépendance ventricule droit, ventricule gauche et diminution encore du débit cardiaque, donc remplissage, mais qui doit être prudent et monitoré. Plutôt, on met de la noradrénaline pour augmenter le retour veineux et d'obutamine par son effet inotrope positif sur le VD, sur le VG et son effet vasodilatateur sur l'artère pulmonaire. Et si on met notre patient sous ventilation en pression positive, il faut penser à minimiser la pression intrathoracique en ventilant par des faibles volumes courants et la PEP, la minimum de PEP, de pression expiratoire positive, et ce pour diminuer les résistances, pour diminuer les conséquences sur la vascularisation pulmonaire. Passons maintenant à la ventilation mécanique non-invasive. La VNI. Il y a plusieurs supports disponibles pour ventiler un malade qui arrive aux urgences ou unités soins intensifs en OAP. Il y a moyen simple, les lunettes nasales, masque normal, masque haute concentration, mais il y a également des systèmes de pressurisation, à savoir la CPAP, c'est-à-dire la pression positive continue, ou VS avec PEP, c'est-à-dire un seul niveau de pression positive, et ce qu'on appelle la BIPAP, c'est-à-dire ventilation spontanée avec aide inspiratoire et une PEP. Ce sont les deux modalités de ventilation non-invasive. Qui fait mieux? On met juste de l'oxygène haute concentration ou on pressurise les voies aériennes? Il n'y a pas photo, la ventilation positive fait beaucoup mieux que l'oxygène. Si on voit cette étude brésilienne publiée en 2004, Critical Care Medicine, on voit très bien que CPAP et BIPAP font beaucoup mieux que l'oxygénothérapie en termes de signes vitaux, c'est-à-dire les signes cliniques, confort du malade, amélioration gazométrique, c'est-à-dire amélioration de l'acidose, moins de recours à l'intubation trachéale et moins de mortalité précoce. Donc il n'y a pas de photo. OAP, si on veut oxygéner notre malade, ce sera la ventilation à pression positive. Et j'encourage vivement tous les services de cardio et les unités de soins intensifs d'adopter ce dispositif, la CPAP. C'est un moyen simple, efficace et qui est équivalent à la ventilation en deux régimes de pression. Il suffit d'une bouteille d'oxygène, un connecteur, un manomètre qui permet de transformer le débit d'oxygène en débit turbulent, générant une pression autour de 8-10 cm d'eau. Et ce dispositif permet de générer un seul niveau. On a vu ce schéma, donc la pression en spontané, c'est aussi autour de zéro. Si on met une pression positive continue, qui est la PEP, entre 5 et 10 cm d'eau, donc on va déplacer cette courbe vers la PEP, et donc on a une pression positive continue. Contrairement à la BIPAP, on a deux niveaux de pression positive, la PEP, mais en plus on a l'aide inspiratoire qu'on va voir après. Mais ces deux méthodes sont équivalentes. La place de la ventilation non-invasive en cardiologie. Si on voit la dernière conférence, la seule conférence de consensus qui est commune entre trois sociétés françaises d'anesthésie et réanimation, Société de réanimation de langue française, Société de pneumologues de langue française, si on voit les indications de la ventilation non-invasive, on voit que l'OAP cardiogénique, à côté de la décompensation aiguë de BPCO, constitue les deux indications majeures de la ventilation non-invasive avec grade 1+, fortement recommandée. Si on voit les contre-indications absolues de la VNI, ce qui m'attire l'attention, c'est expertise insuffisante de l'équipe. Si l'équipe est mal formée à gérer un malade sous ventilation non-invasive, ça constitue un risque pour le patient. Donc ici également, j'invite, en plus de l'adoption du CPAP dans les unités de soins intensifs, à former l'équipe médicale et paramédicale, à gérer la VNI par des ateliers de formation ou passer dans des services des urgences ou des services de réanimation. À côté de cette expertise insuffisante, le malade doit être monodéfaillant, seule la défaillance respiratoire. S'il y a une défaillance neurologique associée, exception, c'est l'encéphalopathie hypercapnique. À part l'encéphalopathie hypercapnique, s'il y a une défaillance neurologique, il faut intuber le malade. L'état de choc, s'il y a une défaillance hémodynamique associée à la défaillance respiratoire, il faut intuber le malade. Bien sûr, les autres défaillances d'organes, le sepsis sévère, les signes d'épuisement, bradypnée, pose, gasp, les bradycardies, pneumothorax non drainé, les vomissements incoercibles constituent une contre-indication à la VNI, l'hémorragie digestive haute, traumatisme crânio-facial et tout ça. Intérêt de VNI dans l'OAP, la VNI diminue le recours à l'intubation retrachéale 60% et diminue la mortalité de 40%. 15 études randomisées, donc littérature qui est solide, 3 méta-analyses, JAMA 2005, Lancet 2006, Critical Care 2006, VNI diminue la dyspnée, améliore la PaO2, diminue le recours à l'intubation, diminue la mortalité. Et si on compare les deux modalités, CPAP, dispositif simple, et BIPAP, aucune différence. Pas de différence entre les deux dispositifs en termes de mortalité précoce, dans cette méta-analyse brésilienne également, et le recours à l'intubation retrachéale. Donc CPAP aussi efficace que B-level ventilation, c'est-à-dire ventilation à deux régimes de pression. Certainement, vous étiez confronté à l'OAP hypercapnique, c'est une forme d'OAP, avec hypercapnie. Donc, on voit de cette étude multicentrique randomisée que la VNI est beaucoup plus efficace dans les formes d'OAP hypercapnique. Donc, il y a deux groupes, OAP non hypercapnique, 130 patients, OAP hypercapnique, 62 patients. Et on voit très bien que c'est la VNI beaucoup plus efficace en cas d'OAP hypercapnique avec diminution significative du recours à l'intubation orotrachéale et diminution aussi significative de la mortalité précoce. Étant donné généralement que cette hypercapnie est associée à un terrain plus fragile avec comorbidité cardiovasculaire mais aussi respiratoire, généralement des patients obstructifs associés. Et deuxièmement, l'hypercapnie c'est un signe d'hypoventilation alvéolaire et la VNI marche très bien en cas d'hypoventilation alvéolaire. Si on récapitule tout ça, que retenir pour la pratique? 1. Deux prérequis. La VNI, que ce soit CPAP ou BIPAP, est vouée à l'échec sans traitement médical optimal. Et on vient discuter, je viens discuter avec tout aussi, donc également quel syndrome coronarien aigu, jamais retarder la revascularisation, le temps de stabiliser un patient par la VNI. Donc si le patient est instable et se... c'est difficile à stabiliser dans les minutes qui viennent avant la revascularisation, intubule et revascularisez-le rapidement. Donc, ces deux techniques sont vouées à l'échec sans traitement médical optimal, notamment les bolides de nitrés, et ça ne doit pas retarder la revascularisation en cas de syndrome coronarien aigu. Deuxième message, CPAP et BIPAP sont deux techniques équivalentes pour prévenir l'intubation et la mortalité. CPAP plutôt en préhospitalier au service d'urgence, et j'ajoute dans les unités de soins intensifs, et BIPAP également, unités de soins intensifs et réanimation. Les sujets hypercapniques sont les sujets qui bénéficient le plus de la ventilation non-invasive. En pratique, il nous faut une interface. L'interface en cas de VNI, c'est un masque. Le masque le plus adopté, c'est un masque facial, il y a un masque nasal, un masque buccal, il y a même un casque ou une mètre, mais le plus utilisé, c'est le masque facial. Ce masque facial doit être bien adapté, avec le minimum de fuite, notamment si on a une sonde nasogastrique en place, et notamment pour les patients édentés. Il faut savoir dépister ces fuites, que ce soit par la bruit, pour les fuites audibles, en passant la main autour du masque pour chercher les fuites, doit être adapté. Et avec humidification et recrutement des gaz. En pratique, quel réglage chez patients en ventilation non-invasive? Généralement, si on ventile patient sous VNI, on a cette courbe de pression. Et les réglages, généralement, correspondent à différentes parties de cette courbe. Donc on doit régler le trigger aspiratoire, la pompe de pressurisation, niveau d'aide aspiratoire, qui est le principal réglage à faire, le trigger expiratoire et le niveau de PEP. Commençons premièrement par le trigger aspiratoire. Le trigger aspiratoire, c'est le seuil de déclenchement. C'est-à-dire une sorte de valve qui détecte les efforts inspiratoires du malade. Il doit être réglé pas trop dur, pas trop sensible. C'est-à-dire, c'est une dépression qui ne doit pas être trop élevée. Si cette dépression est trop élevée, c'est-à-dire un niveau de pression très important, cette machine ne va pas détecter les efforts inspiratoires du malade. C'est-à-dire, le patient fait des efforts inspiratoires très importants qui ne vont pas être suivis par des cycles de la machine. Par exemple, dans ce cas, on regarde très bien que le patient fait 17 efforts. Sur 17 efforts, il n'a eu seulement que 10 cycles machine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 7 efforts inspiratoires inefficaces. Ceci est dû à un réglage trop important du trigger ou de ses déclenchements. Non plus, il ne faut pas le régler non plus de manière trop sensible, car si on regarde trop sensible, le patient ici a besoin, par monitorage ici, de la pression œsophagienne. Il a fait appel seulement à 4 cycles. Il a souhaité seulement faire 4 cycles, spontanés et la machine lui a délivré déjà 9 cycles. Donc, il ne doit pas être réglé de manière trop importante ni trop sensible. Ce qui est recommandé en pratique, la valeur simple à retenir, un trigger en pression à 1 cm d'eau. Le deuxième réglage important, c'est la pompe de pressurisation, c'est-à-dire le temps nécessaire pour atteindre le niveau d'aide inspiratoire. Cette pompe doit être la plus raide possible, ce qui correspond à un temps de pressurisation le plus court, donc le moins d'efforts du patient. Également, non plus, ne doit pas être de manière trop raide, car ses conséquences, on aura plus de fuite et plus d'inconfort. Généralement, c'est fixé dans les machines, la pompe de pressurisation, c'est à 200 millisecondes, 0,2 secondes. Le plus important à retenir, c'est le niveau d'aide inspiratoire. Le niveau d'aide inspiratoire, au niveau de pressurisation des voies aériennes, plus on augmente l'aide inspiratoire, plus la charge imposée aux muscles respiratoires, plus le travail des muscles respiratoires diminue. C'est l'élément primordial pour prévenir, pour améliorer la dysfonction ventriculaire gauche et diminuer le risque d'ischémie. Non plus, il ne faut pas trop assister les malades, c'est-à-dire aide inspiratoire trop importante, car la surassistance est source de distension thoracique et de majoration de fuite. Comment régler cette aide inspiratoire? C'est regardant le patient doit être confortable, en monitorant les volumes courants expirés sur la machine. Les volumes courants expirés doivent être entre 6 à 8 ml par kilo et une fréquence respiratoire autour de 25. Il ne faut jamais accepter une ventilation non-invasive avec des volumes courants inférieurs à 300 ml et des fréquences respiratoires au-delà de 30 cycles par minute. Généralement, il faut régler cette aide inspiratoire pour avoir un volume courant entre 6 et 8 ml kg, une fréquence respiratoire spontanée entre 25 et 30%, et le patient, 30 cycles par minute, et le patient doit être confortable. Un autre détail, c'est le trigger expiratoire. Comme on a vu, la pente de pressurisation, c'est-à-dire le temps nécessaire pour atteindre l'aide inspiratoire, on peut également interrompre cette aide inspiratoire en réglant le trigger expiratoire, c'est-à-dire quand autoriser le patient à expirer. Généralement, pour la majorité des machines, c'est réglé à 25%. Mais dans certaines machines, on peut régler ce trigger inspiratoire. C'est-à-dire, si le débit maximal chute jusqu'à 25%, l'expiration commence. Et ça correspond à un cyclage d'actif. C'est-à-dire pour les patients obstructifs qui ont besoin plutôt d'un temps expiratoire plus important pour pouvoir expirer. Et donc, ils ont besoin plutôt d'un temps inspiratoire plus faible. Pour ces patients, plutôt on règle le trigger à 40% plutôt que 25%. Donc, les deux valeurs à retenir, 25% pour tout le monde, sauf pour les patients obstructifs, le trigger expiratoire à 40% pour raccourcir le temps inspiratoire et faciliter l'expiration. Et enfin, la PEP. La PEP, bien sûr, est primordiale chez les patients en OAP, permettant de recruter les alvéoles et de les maintenir ouvertes. Cette PEP minimum pour ventiler un OAP autour de 4-5 cm d'eau, minimum, c'est une pression en fin d'expiration 4-5, le maximum à 10 cm d'eau. Il ne faut pas dépasser les 10 cm d'eau. Bien sûr, il y a des effets secondaires, il y a les fuites, il faut savoir les dévisser, surtout s'il y a une sonde gastrique en place. Les patients barbus et édentés également, les fuites sont beaucoup plus importantes. Il y a des risques de conjonctivite à cause des fuites au niveau des yeux. Il y a des escarres, surtout pour les séances de VNI prolongées. Si les pressions réglées sont au-delà de 25, si on fait la sonde PEP plus aide inspiratoire, si la totale est supérieure à 25 cm d'eau, il y a risque de distension gastrique. Et distension gastrique, le risque de vomissement, qui est très néfaste en cas de VNI. Et le principal effet secondaire, c'est le retard d'intubation. Il ne faut jamais retarder l'intubation. Une VNI inefficace doit être arrêtée. Donc, pour récapituler, on prend pratique. Généralement, le patient doit être en position demi-assise, pas de VNI en position couchée. Il doit être bien analgésé, il doit être bien coopérant. La seule exception, c'est l'encéphalopathie hypercapnique. Deuxièmement, on applique interface de taille adaptée en limitant les fuites. Maintenir le masque de manière manuelle pendant les 5 premières minutes, ça permet de reconforter le patient et de gagner la coopération du patient. Les premiers réglages, niveau de PEP minimum, niveau d'aide inspiratoire minimum, PEP initialement pas plus que 4 et aide inspiratoire pour commencer à 6. Et on regarde le patient, le volume pouvant expirer et la fréquence respiratoire. Et on augmente progressivement par palier de 2, 6, 8, 10, 12 cm d'eau, maximum à 20. Et objectif volume pouvant expirer à 6, 8 ml par kilo et fréquence respiratoire inférieure à 30. Il faut avoir un gain d'oxygénation de 20% en une heure. S'il n'y a pas de gain d'oxygénation au bout d'une heure, il faut arrêter la VNI, c'est inefficace et c'est risqué. Ça ne fait que retarder l'intubation. Bon, on va terminer avec quelques slides sur la ventilation mécanique invasive. Donc, c'est juste la prothèse qui change. Avec la VNI, c'est un masque facial. Pour la ventilation invasive, on va mettre le tube. Globalement, trois types de modes, mode contrôlé, mode assisté, mode spontané. Et deux types de consignes, consigne en volume, consigne en pression. Trop de modes, mais deux à retenir pour la pratique, et nous également, généralement, c'est ce qu'on utilise, c'est la VAC, ventilation assistée contrôlée, et la VSL, la ventilation spontanée avec aide inspiratoire. Il faut bien sûr favoriser les modes spontanés, car avec les modes spontanés, c'est-à-dire les modes spontanés, on diminue les effets indésirables, mais également on augmente le confort du patient, on autonomise beaucoup plus le patient et on augmente le synchronisme entre le patient et la machine. Donc la priorité c'est pour les modes spontanés et essentiellement le mode VS et d'aspiratoire. Bon, pour la VAC, bien sûr, on a déjà vu ça, on a déjà vu que la pression est tout le temps positive en ventilation contrôlée. Pour les débits, il y a deux types de débits, soit un débit qui est de type carré, soit un débit de type décélérant. Le débit décélérant, c'est un débit avec un temps aspiratoire prolongé. Il faut l'éviter chez les patients obstructifs PPCO, car ils ont besoin plutôt d'une expiration prolongée plutôt qu'une inspiration prolongée. Qu'est-ce qu'on règle? On règle le volume courant, c'est toujours 6-8 ml kg. La fréquence respiratoire, entre 12 et 20 cycles par minute. Le rapport I sur E, c'est le temps aspiratoire sur temps expiratoire, en pratique, on règle à 2. Pour les patients obstructifs, on allonge le temps expiratoire, on règle I sur E à 3, voire 4, c'est les patients obstructifs, et on règle la FiO2 pour avoir une saturation supérieure à 92%, notamment chez les patients obstructifs, le minimum de FiO2. Bien sûr, on peut ajouter de la PEP en dehors des contre-indications, entre 5 et 20 cm d'eau. Et on a le trigger qu'on venait de voir au seuil de déclenchement, c'est-à-dire cette dépression qui correspond à la réponse à l'effort inspiratoire du malade qui doit être réglé, retenez la valeur 1 cm d'eau. Donc les quatre phases, on a déclenchement de l'inspiration, délivrance du volume, déclenchement de l'expiration et l'expiration. Il y a un petit détail ici à retenir, c'est le temps au plateau. Si on voit toute l'insufflation mécanique, il y a deux parties. Il y a une insufflation qu'on appelle active, ce qui correspond à l'insufflation avec un réel transfert d'air de la machine vers le patient. Et il y a une partie d'un temps inspiratoire qui correspond à un temps d'insufflation passif où il n'y a pas d'insufflation positive d'air. Et ces temps de respiration, si on voit sur la courbe, c'est ces deux courbes qui s'affichent sur le respirateur, courbe de débit et courbe de pression. À ce temps-là, correspond un plateau au niveau de la courbe de pression. Cette pression, on appelle la pression de plateau. Cette pression de plateau, c'est la pression intra-alvéolaire. Il ne doit jamais dépasser les 28-30 mm de mercure. Au-delà de 30 mm de mercure, il y a un risque de barotraumatisme. Les principaux réglages, volume courant, PEP et FiO2, la fréquence respiratoire, le débit, le temps plateau. VSS, on a vu, pour l'aide inspiratoire, c'est permis de la pressurisation des voies aériennes. Et le volume courant expiré dépend de deux choses. Le niveau d'aide inspiratoire qu'on a réglé et l'importance de l'effort inspiratoire du malade. Également, on peut ajouter de la PEP. Et pour la surveillance, essentiellement pour la ventilation invasive, on surveille les pressions, la pression PEP et la pression plateau. Si, bien sûr, on vérifie les pressions, si pression basse, il faut vérifier si le patient est déventilé ou il y a des fuites de circuit. Si la pression augmente, notamment pécrète, rechercher une obstruction, des adaptations. Et si la pression plateau augmente, il faut chercher un pneumothorax. Voilà, je vous remercie de votre attention avec un hommage à notre médecin. Juste un manomètre qui est branché, une bouteille d'oxygène avec un masque, et en Y, il y a un manomètre. Avec le circuit, avec le laboratoire vivant, c'est disponible. Ah, il est disponible. Oui, il est disponible, c'est tout prêt. C'est un robinet, comment il est branché? Ça date à la bouteille d'oxygène, c'est pas mal. Ah, le manomètre, c'est le manomètre. Oui, ça date. Et on met un espèce de sac plastique là, c'est important. Non, c'est un masque qui est étanche, qui permet une pression positive pour continuer. Donc il faut demander ce manomètre. Oui, c'est un manomètre. Le laboratoire Vicon, ça existe. Il y a un réglage dessus. Non, on règle juste le manomètre. On règle une pression, un débit d'oxygène, et on règle le manomètre entre 7 et maximum 10 cm d'eau avec une pression continue. Dispositif très simple. Non, on a